Vous écoutez Futur Simple, toujours à l'antenne de CKRL au 89,1. Et pour finir l'émission, nous allons rebondir sur la chronique de Geneviève Gay de la semaine dernière. Geneviève nous expliquait l'importance de la pollinisation pour l'agriculture et pour l'équilibre des écosystèmes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un pollinisateur majeur, en fait une pollinisatrice, l'abeille. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Lemasson, que vous aviez déjà entendu cet hiver et qui fait un retour à l'émission. Bonjour Morgane. Bonjour. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler de la disparition massive des abeilles, qui est un phénomène de plus en plus préoccupant quand même, parce qu'il ne cesse de s'accélérer. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime aujourd'hui avoir perdu près de 50% de la population mondiale des abeilles, donc ce qui est énorme. Et à Québec, c'est 40% des ruches qui sont portées manquantes actuellement. Et est-ce qu'on sait, en fait, d'où est parti le phénomène? Mais historiquement, la première alerte a été donnée par les apiculteurs en 2000 en Europe, puis aux États-Unis en 2006. Et maintenant, le phénomène s'est propagé à l'ensemble de l'hémisphère nord, donc tous les pays industrialisés, comme l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe. Les pays les moins industrialisés de l'hémisphère sud, eux, sont moins touchés. On va comprendre un peu plus tard pourquoi. OK. Et en quoi, en fait, ce phénomène est si alarmant? Eh bien, comme vous l'a expliqué Geneviève Gay la semaine dernière, les abeilles sont les principaux pollinisateurs de la planète. Donc, c'est en fait à peu près 80% de nos plantes qui ont absolument besoin des abeilles pour être fécondées, donc pour donner les fruits et les légumes. Donc, si on perd les abeilles, on va perdre une grande partie de notre alimentation. D'accord. Et cela a été chiffré en valeur monétaire. On estime que le déficit de la pollinisation représente 239 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, on est vraiment là face à une menace pour l'économie. C'est une menace aussi pour le travail des apiculteurs et des agriculteurs. Mais ce qui est plus problématique, à mon sens, c'est une menace pour la biodiversité. C'est-à-dire... En fait, l'Union internationale pour la conservation de la nature prévoit que 20 000 espèces de plantes à fleurs vont disparaître si on n'arrive pas à endiguer le problème. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences très délétères sur les ressources alimentaires. Et est-ce qu'on connaît la cause de cette disparition massive des abeilles? Ben, en fait, depuis les années 2000, plusieurs causes ont été amenées par... les chercheurs, les apiculteurs, mais aucune jusqu'à présent n'a été identifiée comme étant la cause principale. Ouais. Donc maintenant, tout le monde s'entend pour dire qu'on est face à un problème multifactoriel. Mm-hmm. C'est-à-dire que la surmortalité des abeilles serait due à une combinaison, à une conjoncture de plusieurs facteurs qui surpasseraient le niveau de résistance des abeilles. Et ça, c'est quand même très étonnant. Et ça, c'est quand même très étonnant parce que l'abeille, c'est un insecte très résistant. Par exemple, il est là depuis 100 millions d'années, donc même avant l'homme. Il a toujours su s'accommoder de ces facteurs-là, que ces facteurs, ces problèmes soient une mauvaise alimentation ou une intoxication par des pesticides. Mais là, les abeilles se retrouvent complètement dépassées face à une multitude de stress qui viennent fragiliser leur système immunitaire et les empêcher de se défendre normalement. Et puis, on entend parler de plus en plus des parasites qui viennent s'installer dans les ruches. En fait, est-ce que cela est une des causes de ces milliards de morts? Oui, en partie, et puis c'est même l'une des premières causes qui a été identifiée dans les années 2000 pour expliquer la disparition massive. C'est en fait plus précisément l'apparition du varroa destructor, qui est un parasite, un acarien parasite de l'abeille, qui va percer l'abdomen de ces abeilles pour venir se nourrir de l'hémolymphe, qui est le sang de l'abeille. Donc, pour éradiquer le varroa, on a développé beaucoup de solutions. Notamment, on a mis en place des traitements chimiques dans les ruches, mais ça n'a pas permis de diminuer l'expansion de la disparition des abeilles. Bien au contraire. Et maintenant, on se penche sur d'autres problèmes. Et l'un des plus importants, c'est l'utilisation massive des pesticides. dans l'agronomie industrielle. Parce qu'on sait que, surtout en Amérique du Nord, l'agronomie moderne a besoin d'énormément de quantités de pesticides pour être compétitif et pour avoir une agriculture à grande échelle. Et pour exemple, en Amérique du Nord, l'utilisation de pesticides a quand même doublé ces 40 dernières années. Et ça, c'est vraiment problématique pour la survie des abeilles. Et pourtant, l'ensemble de ces produits chimiques ont été autorisés et leur utilisation suit des normes bien précises. Alors, comment se peut-il que l'on s'interroge aujourd'hui sur leurs effets néfastes? Bien, parce que si on prend chaque pesticide ou chaque produit chimique individuellement qui sont utilisés sur des abeilles en bonne santé, elles ne vont pas avoir d'effet délétère. C'est lorsqu'on les mélange. Une par une, c'est ça. Voilà. C'est lorsqu'on les mélange qu'on va utiliser, par exemple, un insecticide avec un fongicide. Là, il va y avoir un mélange toxique qui va se créer, qui va être vraiment problématique pour l'abeille. Et puis, il va y avoir un effet potentialisateur de tout, de voilà, tout ça. De... C'est ça. Donc, c'est pas additif, mais souvent, ça se multiplie. Là, ouais. C'est ça. Et puis, le problème, donc, à une époque, on a interdit ces mélanges toxiques. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'ils se recréaient naturellement dans la plante. Et ça, c'est dû au fait que l'ensemble de ces produits chimiques ont une durée de vie de 3 à 6 mois. Donc, même si on les utilise les uns après les autres, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'accumuler dans les sols, la plante et même le pollen. Et ça, ça aura deux types de conséquences. Déjà, ça va tuer l'ensemble des larves qui se nourrissent du pollen contaminé. Et voilà, comme tu l'as dit, ça va affaiblir l'abeille adulte qui sera incapable de faire face à la prochaine dose de pesticides. Et à ce sujet, il y a une étude qui, je trouve, très flagrante, qui a montré que si on mettait un insecticide sur une ruche en santé, il n'y avait aucun effet au niveau de la mortalité des abeilles. Par contre, si on l'utilisait sur des ruches préalablement affaiblies, là, on allait noter 95% de mortalité, et ce, en 24 heures. Donc, c'est des effets très drastiques et extrêmement rapides. Et est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour améliorer le type de produits utilisés en agriculture ou encore le type d'administration? Oui, ben en fait, il y a quelques années, on s'est rendu compte que l'épandage de pesticides ou d'herbicides sur les cultures posait problème aux abeilles, surtout lorsqu'ils étaient utilisés ou réalisés pendant le butinage. Donc, on a développé de nouveaux types de pesticides, qui sont les produits d'enrobage de semences, qui, en fait, sont des produits dits systémiques. Okay. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que... les racines vont absorber le pesticide qui va après être diffusé dans l'ensemble de la plante grâce à la sève. Et donc, ça va se répandre un peu partout dans la plante. Et est-ce que ça a amélioré l'état des choses? Ben, pas vraiment, et ce pour trois raisons. La première est que ce sont des, même si elles sont utilisées en très faible quantité, ces produits sont 1000 fois plus puissants. La deuxième, c'est qu'elles ont aussi une durée de vie très importante. Et la troisième, c'est que ce sont des neurotoxiques. Donc, ils vont toucher le cerveau des abeilles et changer leur comportement. Donc, elles vont être complètement désorientées et elles vont être incapables de retourner à la ruche. Donc, en conclusion, l'utilisation massive des pesticides en agriculture est une cause majeure de la surmortalité des abeilles. Oui, mais pas uniquement. Il y a d'autres problèmes liés à l'agriculture, comme la perte d'habitat naturel qui est due à l'expansion des habitats humains ou encore aux cultures intensives. Donc, on va perdre un peu les zones de nidification importantes pour les abeilles pour se reproduire. Le deuxième problème est la perte de biodiversité des cultures. Parce que l'agriculture moderne, surtout en Amérique du Nord, est axée principalement sur les monocultures, c'est-à-dire qu'on va cultiver une même plante sur des milliers d'hectares. Donc, nos pauvres insectes, elles auront un seul type de plante à manger. Et ça va avoir des conséquences vraiment importantes sur sa santé. Alors, écoute, si on compte déjà 50% de pollinisatrices en moins, ça doit déjà avoir un impact sur l'agriculture, non? Rapidement. Oui. Oui, ben en fait, ça a un impact parce qu'on va toucher et les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages. Donc maintenant, les agriculteurs sont obligés de louer des ruches. Donc ils vont transporter sur des centaines de kilomètres les ruches. Et ça aussi, ça va créer de la forte mortalité. Donc on ne s'en sort pas, en fait. Ouais, ça fait. Merci Morgane Lemasson pour ta recherche. Je vous remercie.